nous excuserez pour ce petit retard, 18h02 à Bujumbura, 18h02 au studio de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition. Au sommaire, plus de 3000 enfants burundais déportés illégalement à destination de la Tanzanie et la République démocratique du Congo. L'Observatoire national de lutte contre le trafic des êtres humains, ONLCT, où est ton frère, annonce ses statistiques au moment où le monde célèbre la journée de lutte contre le trafic des êtres humains. À Gitega, grève des conducteurs des véhicules de transport de type Probox effectuant le trajet Bujumbura-Gitega. Ils dénoncent le prix du ticket de transport fixé à 9000 francs. Selon eux, respecter ce prix revient à travailler à perte. Et l'association des commerçants du Burundi, Akobu, appelle à la revue de la mesure de hausse des prix de location des échoppes du marché de Ruvumera en mairie de Bujumbura. Cet appel est lancé au moment où les commerçants exerçant dans ce marché se soient plaints de cette hausse des prix. À la présentation, vous êtes avec Odin Daichimier, Alphonse Kubgimana assure la mise en onde. L'avenir. Encore une fois, bienvenue les conducteurs des voitures taxi de marque Probox qui empruntent l'axe Gitega-Bujumbura ont arrêté cette activité depuis ce dimanche. La raison, selon eux, est le nouveau prix du ticket Bujumbura-Gitega qui est passé à 9000 francs et qui fait qu'ils travaillent à perte. Ils demandent qu'ils soient consultés quand il faut revoir à la hausse les prix du ticket de transport. Gérard Nehuigira. Les conducteurs de voitures taxi de marque Probox qui font le transport Gitega-Bujumbura disent qu'ils ont opté pour arrêter cette activité parce que le nouveau prix du ticket de transport Gitega-Bujumbura de 9000 francs bou ne leur permet pas de gagner, affirmer plutôt qu'ils travaillent à perte. Donc, ils ont pris cette décision d'arrêter cette activité. Ils expliquent leur décision en parlant du coût d'essence nécessaire pour faire le trajet Gitega-Bujumbura aller-retour qui varie de 75 000 à 82 000 francs bou, selon qu'une voiture est manuelle ou automatique, une somme qui est supérieure à la somme du ticket payé par 4 passagers autorisés dans de telles voitures, qui est une somme de 72 000 francs bou. Là, ils ajoutent d'autres dépenses liées à l'entretien de la voiture et à l'achat des pièces de rechange qui, elles aussi, ont vu leur prix augmenter. Pour qu'ils puissent reprendre le travail à l'aise, ils demandent que les personnes habilitées dans la fixation des prix des tickets de transport viennent s'informer sur terrain en matière de carburant consommé par une voiture, le coût de l'entretien de la voiture et toutes les taxes obligatoires. Et ainsi, elles fixeraient les prix tenant compte de toutes ces réalités. Au cas contraire, ils trouvent que c'est une façon de chasser les voitures taxi dans le transport des passagers. Ils ajoutent que ceux qui voyagent en voiture taxi sont ceux-là qui sont pressés et qui veulent arriver à destination le plus vite possible et de surcroît qui sont capables de payer le prix du taxi et que donc ceux qui n'ont pas les moyens voyagent en bus. Vous saurez que même les chauffeurs de voitures taxi qui empruntent les axes Gitega vers d'autres provinces du pays, avouent que si les prix du ticket de transport qui ont été fixés ne sont pas revus à la hausse, ils vont aussi arrêter cette activité. Cela étant, ils n'appliquent pas encore les nouveaux tarifs. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Le paiement mensuel d'une taxe de l'Office burundais des recettes de 450 à 600 000 francs burundais pour les commerçants du marché de Ruvumera va provoquer la hausse des prix pour d'autres produits de première nécessité. Ceux qui se sont exprimés dans l'émission Gilichu Shikirije de ce vendredi à la radio Isanganiro demandent aux élus du peuple de briser le silence et de réagir face à cette situation. Suivez-les. Jewe ndadandaza ndandariza ha mu isoko ya Ruvumera mu byo ndandaza ku byukuri. J'exerce mes activités commerciales dans ce marché de Ruvumera. Mes articles ne valent pas plus de 2 millions. Aujourd'hui, l'Office burundais de recettes me demande de payer une somme de 900 000 francs bou pour la mairie. Avant, on payait 14 000 francs bou. Et puis, on nous a dit de payer 450 000 francs bou. Mais maintenant, on nous exige de payer en même temps des périodes équivalentes à 900 000 francs. Je demanderai au chef d'État de nous venir en aide. Concernant les commerçants du marché de Ruvumera, comment se fait-il que quelqu'un qui paye une taxe de 100 000 francs burundais ou 75 000 soit obligé de payer une taxe de 600 000 francs burundais? On ne peut pas payer une taxe de 600 000 francs burundais, sauf on a des articles de plus de 10 millions de francs burundais. Les décideurs devraient alléger les commerçants. Tout est devenu cher aujourd'hui. Les parlementaires devraient aussi nous représenter valablement en dénonçant cette situation. Face à ces grognes, l'association des commerçants du Burundi, Akobu, appelle à l'entente entre les commerçants, la mairie de Bujumbura et l'office burundais des recettes dans le but d'une collecte aisée des impôts et taxes. Sinon, il y a risque de ne pas atteindre les résultats escomptés. Il précise que ces commerçants sont de deux ordres. Suivez-le dans cette traduction de Clovis Nyongmuru. Hariho ikintu twategeze kubanza gutangira umuco nuko abadandaza bari imice kubiri hariho abasanzwe bari mu muce. Nous devons d'abord apporter de la lumière. C'est que les commerçants sont de deux catégories, ceux occupant les marchés construits par l'État et d'autres qui sont dans la catégorie de ceux qui ont construit dans les marchés par leurs propres moyens. Par exemple, Luvumela est différent du marché dit Kotebu. Les marchés de Ruvumela, Tongagara, Dojabe et ailleurs ont leurs particularités. La particularité, c'est aussi au marché Kotebu. Nous demandons que cela soit clarifié. Il ne faudrait pas globaliser. Il serait aisé que ceux chargés de l'application de cette mesure approchent les associations des commerçants pour le bien de tout le monde, sans léser les contribuables en fait de payer correctement ses impôts et taxes. Pour ces du marché de Bouyens qui disent qu'ils payaient 100 000 francs et qu'ils payeront 600 000 et plus, nous voyons que c'est vraiment un problème méritant qu'on s'asseye ensemble, commerçants, la mairie et le BR. Nous avons toujours demandé que l'on nous associe pour que ces mesures ne tombent pas dessus. Nous voulons que notre pays se développe. Ainsi, ils font une compréhension commune pour et par tous. À Ruvumela, il faut bien voir que cette mesure ne vient pas plutôt faire barrière aux résultats escomptés. Car certains commerçants peuvent abandonner ces échappes et aller ailleurs ou bien continuer les activités à la maison ou encore occuper ces stands un mois, deux ou trois mois, et au bout de six mois, on trouvera qu'ils n'ont plus d'activité. Bien que l'application de ces nouveaux prix débute avec ce mois d'août, le président de la COBU estime que ce n'est pas encore trop tard de revoir la mesure pour le bien des commerçants, des acheteurs et de l'État. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Plus de 3000 enfants burundais ont été déportés illégalement en destination de la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Les statistiques de l'Observatoire national de lutte contre le trafic des êtres humains, ONLCT, Où est ton frère, au moment où, le 30 juillet, le monde célèbre la journée de lutte contre le trafic des êtres humains. Selon le président et représentant légal de l'ONLCT, les enfants sont plus victimes de cette infraction, ce qui handicape le développement du pays. Maître Prime Mbaloukeye demande au gouvernement et à la justice d'éradiquer le trafic des êtres humains. Suivez-le. Selon le rapport annuel de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONS Où est ton frère, édition 2022 sur l'état des lieux du phénomène de la traite des personnes et des migrations clandestines ou irrégulières au Burundi, plus de 3062 enfants burundais ont été trafiqués à destination surtout de la Tanzanie et de la RDC. La plupart d'entre eux provenaient des 10 provinces frontalières avec ces deux pays et a fait l'objet d'une enquête l'ONRST est ton frère et qui servent vraiment de porte de sortie, même pour les autres provinces du pays, notamment les provinces d'Ongozi, Gitega, Karusi et Kayanza, où dans cette même province, en commune Muhanga, 37 jeunes garçons ont été arrêtés lundi le 24 juillet 2023, déportés par six hommes trafiquants appelés Abenyeji à destination de la Tanzanie, soit un effectif de 43 personnes arrêtées le même jour pour ce même crime. Sur les 10 provinces ayant fait l'objet d'une enquête de l'ONU et ton frère, à savoir les provinces Bubanza, Bujumbura, Bujumbura, Merichi, Bitoke, Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo et Muyinga, tout cela est surtout causé par l'insécurité alimentaire, surtout qui entraîne des abandons scolaires, qui à leur tour alimente la traite des enfants, qui à son tour alimente le terrorisme international. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONU et ton frère, voudrait demander au gouvernement de la République du Burundi de freiner ce flux migratoire clandestin des enfants burundais à destination surtout de la Tanzanie et de la RDC, à renforcer davantage la quadrilogie, l'administration, la justice, les forces de l'ordre et la population à tous les niveaux administratifs au sein de toutes les provinces et les communes du pays, afin qu'elles puissent barrer vraiment la route aux trafiquants sur le terrain, en mettant hors d'état de nuire tous les trafiquants des êtres humains au Burundi, surtout le trafic des enfants mineurs. Maître Prime Mbarubukeye, président et représentant légal de l'ONLCT. Certains habitants de la zone Kangan, commune Bissolo de la province Mwaro, demandent aux natifs de cette zone de les appuyer dans certains projets comme l'électrification des bureaux de cette zone et la réhabilitation d'un pont reliant la commune Bissolo et celle de Gansolo. Apollinaire Sindai Kengera, parlementaire élu en province Mwaro, est natif de cette zone, duquel la réhabilitation de ce pont est inscrite parmi les projets à venir. L'administrateur de la commune Bissolo indique que ces natifs contribuent dans le développement de cette localité. Laurent Dikuriyo. Selon Eric Naikeza, habitant au chef-lieu de la zone Kanga, les bureaux de cette zone ont besoin du courant électrique. Il souligne que certains services comme celui d'état civil travailleraient en ce moment plus aisément. Il demande aux natifs de la zone de les appuyer pour que ces bureaux soient alimentés en courant électrique. Apollinaire Sendai Kengera, parlementaire élu en province Mwaro et natif de cette zone, dit que le chef-lieu de cette zone dispose déjà d'un transformateur. Il demande aux personnes concernées de contacter les services habilités à ce propos. Zakari Baramfumbase, chef de la colline Buhabga, dit que le pont métallique situé sur la rivière Waga et reliant la commune Bissolo à celle de Yansolo devrait être réhabilité. Il demande aux natifs de plaider pour que ce pont soit réhabilité car une des tôles métalliques qui s'y trouve s'est détachée. L'honorable Sindai Kengela Polinaire dit que la réhabilitation de ce pont est à mettre parmi les programmes de la commune et sera réhabilité en suivant les priorités. De tels travaux demandent beaucoup de fonds. Il indique que les natifs de cette zone donnent leur appui dans le développement de la localité. Il cite l'exemple de la réhabilitation du marché de Winfizi, la réhabilitation des salles de classe, la construction des centres de santé à Masango et à Buhabga, l'alimentation en eau potable où trois forages ont été construits. Diomed Nhangamajiri, administrateur de la commune Bissolo, dit que le rôle joué par les natifs de cette zone se remarque dans le domaine de la santé, l'éducation, la réhabilitation des routes et le domaine de l'environnement. De moi, Laurent Dikuriyo, Radio Isanganiro. Merci Laurent Dikuriyo. Les médias ont un grand rôle dans l'autonomisation économique de la femme. Emmanuel Ndachaïssa va charger de l'exécution du projet accroître le rôle socio-économique de la femme et renforcer son autonomie, l'a déclaré ce vendredi à Rumonge au terme d'une session de réseautage des acteurs économiques et les médias des provinces Makamba et Rumonge. Il appelle les acteurs économiques ayant des produits à vanter ou à vendre à approcher les médias, une voie que ces acteurs économiques promettent d'explorer. Jean-Pierre Misako. À part que les médias portent loin, l'information qu'ils véhiculent en ce qui est de l'autonomisation de la femme atteint un grand nombre de femmes en si peu de temps, ce qui incitera les autres femmes à se lancer sur la voie du développement, selon Emmanuel Ndachaïssaba, chargé du projet accroître le rôle socio-économique de la femme et renforcer son autonomie. The search for common ground. Le rôle des médias, c'est de porter loin l'information en rapport avec la participation économique de la femme et les femmes puissent écouter ces émissions et inciter les autres femmes qui n'ont pas encore commencé les initiatives économiques à démarrer leurs agères, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus. Mais pour lui, il faut que la femme entrepreneur change de stratégie dans la vulgarisation de ces projets de développement. L'appel que je lance à ces femmes et celles qui n'ont pas participé à cette session, c'est de changer de mentalité et ne de pas attendre que les médias puissent les chercher pour donner des informations, mais que ces femmes elles-mêmes puissent livrer des informations en ce qui est du développement économique de la femme aux médias et pour inciter les autres femmes à initier des activités économiques qui vont développer le ménage, la communauté et le pays tout entier. Lors d'une session de deux jours de réseautage des acteurs économiques et des médias opérant dans les provinces de Makamba et Rumonge, les acteurs économiques se sont engagés de chercher désormais eux-mêmes les journalistes pour la vulgarisation de leurs projets de développement afin d'inspirer les autres et multiplier les centres d'écoute pour une mobilisation effective des femmes. Les hommes des médias, quant à eux, se sont engagés à multiplier les reportages et émissions en rapport avec l'autonomisation économique de la femme, à accorder plus d'espace aux femmes entrepreneurs dans les médias et redorer l'image de la femme. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration à la présentation. Vous étiez avec Odin Daïchimier. Bonne suite des programmes avec la radio Isanganiro.